je me mouille. Je cherche un taxi, mais les taxis ne passent plus. Une belle dame passe dans une grosse voiture. Je lève mon bras pour qu'elle me prenne. Mais elle ne s'arrête pas. Je continue à me mouiller dans la rue. Mais elle ne s'arrête pas. Je continue à me mouiller dans la rue. Dans la rue, je me mouille. Je cherche un taxi, mais les taxis ne passent plus. Une belle dame passe dans une grosse voiture. Je lève mon bras pour qu'elle me prenne. Mais elle ne s'arrête pas. Je continue à me mouiller dans la rue, mais elle ne s'arrête pas. Je continue à me mouiller dans la rue. Autostop, il n'y a rien de mal, madame. Autostop demande seulement charité.